D'après une presse sud-coréenne du 12 juin, le Rassemblement des avocats pour une société démocratique de Corée du Sud a présenté officiellement à la Cour le 9 juin une requête pour la protection personnelle et le secours en faveur des citoyennes de notre République enlevées. La Cour sud-coréenne a annoncé au Rassemblement des avocats pour une société démocratique que l'examen serait commencé officiellement sur le kidnappage collectif à partir du 21 juin prochain après-midi. Elle envisage d'y faire participer toutes les filles enlevées une fois commencé l'examen de l'affaire. À propos du commencement de l'examen de l'affaire d'enlèvement, le Rassemblement des avocats pour une société démocratique a demandé à la justice comme ce qui suit. Il faut transmettre exactement aux victimes une copie de requête et commencer l'examen de l'affaire après qu'elle la lise et comprenne suffisamment. Il faut faire simultanément l'examen sans interrogatoire séparé de toutes les victimes et leur permettre de déposer librement en justice sans intervention des agents du centre de renseignement. Ensuite, il faut autoriser la rencontre et l'entretien du groupe des avocats remplaçant des parents des victimes avant le commencement de l'examen de l'affaire des victimes, assurer le droit des interrogatoires suffisant au groupe des avocats parce qu'on ne peut pas éliminer la possibilité de participation des victimes sous la pression psychologique où on est séduit. S'il est éclairci à la Cour que les victimes sont maintenant enfermées forcément au centre de protection des déserteurs du Nord, il faut les libérer tout de suite et les informer comme il convient qu'elles en ont le droit.